بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثاره ثم بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: قال إنكار صلى الله عليه وسلم دعاؤه على من ينشي ضالة في المسجد أو يبيع فيه. اللي وقع هنا رحمه الله تعالى لباب relatif à la légalité de faire دعاء sur une personne qui fait une déclaration de perte à voix haute en pleine mosquée ou alors qui vend dans la mosquée. فالنبي صلى الله عليه وسلم il a fait des دعاء sur ce genre de personnes-là. Surtout sur la première, celle qui fait une déclaration de perte à voix haute dans la mosquée. Il a perdu sa monture et il se rend à la mosquée et il demande à voix haute: est-ce que quelqu'un aurait vu ma monture? فَهَذَا يَنِي مَنَا الْأُمُورِ عَلَى تِلَيَةِ لَا تَجُوزِ. Ça, c'est interdit de faire cela. Pourquoi? On va voir le hadith. تَحْتَ هَذَا الْبَابِ. Le hadith qui prouve cela. قَالَ يَقُلْ لِمَنْ يَنْشُدُ ضَلَّةً لَا رَدَّهَ اللَّهُ عَلَيْكِ فَإِنَّ الْمَسْجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا. Et le hadith est rapporté par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala, selon Abu Huraira. Donc le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, dit dans ce hadith-là qu'on doit dire à la personne qui demande au sujet de sa monture, Abdallah, c'est une monture, comme on va le voir, qui a peur de sa monture, de lui dire qu'Allah ne te la rende pas. Pourquoi? Car les mosquées ne sont pas, ou plutôt n'ont pas été construites pour cela, et pour faire des déclarations de perte à voix haute, comme l'a fait la personne. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الجمل الأحمر lorsqu'il est venu à la mosquée لما جاء إلى المسجد يقول من دعا أي وجد الجمل. Il a demandé: qui est-ce qui a vu mon chameau? قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت. Qu'Allah fasse que tu ne retrouves pas. إنما بنيت المساجد لما بنيت له. Les mosquées ont été édifiées, construite pour les choses, mais pour des choses bien précises. Et le hadith, il est rapporté par Muslim, kadhalika. Wa fi riwayatin, et dans une autre version, qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam la raddaha Allahu alayk. La raddaha Allahu alayk, Allah fasse que tu ne la retrouves pas. Donc ces hadiths-là, ils nous montrent bien que ceci fait partie des choses qui sont interdites. Le fait de venir en pleine mosquée alors que les gens sont en train de lire la Kitab Allah subhanahu wa ta'ala ou en train de faire al-dhikr, ils sont préoccupés par les affaires de l'au-delà. Et toi, tu viens et tu fais à voix haute: où est ma monture? Ta monture, elle ne peut pas être dans la mosquée. Où est la monture? Elle ne sera pas dans la mosquée. Ça, c'est une chose. C'est pas convenable dans le sens où ta monture, c'est pas dans les mosquées, c'est pas les endroits dans lesquels on accroche les montures des personnes qui les ont perdues. Ou c'est pas un endroit généralement où les montures à se réfugient. Enfin, aslan wa faslan, ce soual-là, cette question-là, cette demande-là, cette déclaration de perte-là, elle convient pas. Parce que c'est pas un lieu qui est fait pour cela. Awalan. Wa thaniyan, Allah Azza wa Jal a légiféré ces buyut, ces demeures-là, pour des choses bien précises. Kama ja fi al-hadith al-akhar, rapporté par Muslim, rahimahullah ta'ala, fa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, inna hadhihi al-masajid, ces mosquées-là, la tasluh li shay'in min hadha al-bol wala al-qadar. Il ne convient pas de salir ces mosquées-là par l'urine ou bien par les excréments. Qala inna ma hiya li dhikrillah azza wa jalla wa as-sala wa qira'ati al-quran. Elles ont été édifiées pour le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, la prière et la lecture du Coran. Et le hadith est rapporté par Muslim au sujet de l'affaire de celui qui est venu à la mosquée et qui avait passé le salam au prophète alayhi sallam, et ensuite il a dit: Allahumma arhamni warham Muhammadan wa la tarham ahadan ma'ana abadan. Oh Allah, fais-moi miséricorde ainsi qu'à Muhammad, et ne fais miséricorde qu'à nous deux. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حجرت واسعا. Tu as restreint une chose qui est immense, qui est la rahma, qui est immense. Et ensuite, il est parti dans un coin de la mosquée, cette personne-là, et s'est mis à uriner. Et ma'rouf, ensuite, il l'a éduqué, il l'a enseigné. Il lui a dit: c'est par Allah. ces mosquées-là, il ne convient pas dans ces mosquées d'uriner ou bien de faire ses besoins. Ces mosquées ont été édifiées pour le rappel d'Allah, al-dhikr, as-salat, wa qira'at al-Qur'an. Ça, c'est les raisons pour lesquelles les mosquées ont été édifiées. Pour les choses nobles. Et ça, ça ne fait pas partie des choses nobles de venir et de s'écrier à voix haute ou et ma monture. Allah Azza wa Jal, wa Rasuluhu, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont légiféré pour cela, en réponse à ces personnes qui viennent perturber les fidèles, la raddallahu alayk. La raddallahu alayk. La wajatta. Qu'Allah fasse que tu ne le retrouves pas. Il est venu pour la retrouver, et là, il ne va jamais la retrouver. Adalla qala al-ulama. Adalla qala al-ulama. Ka ibn Manzur, rahimahullah ta'ala, l'imam de Filloga, qui a le kitab, al-mashhur, lisan al-arab. Il a dit, asluhu min dalla shay, idha khafiya wa ghaba. Ce mot-là, il est dérivé du verbe dalla, qui a pour sens dans la langue arabe de une chose qui est dissimulée, qui n'est pas là. Qala wa dallatu al-hayawan al-da'i'. Ad-dalla 'inda al-arab, c'est l'animal qui est perdu, la monture qui est perdue. Qala wa yutlaq 'ala al-dhakar wal-untha wal-ithnayn wal-jam'. Ad-dalla, c'est un mot que tu peux utiliser pour la monture du genre féminin ou bien masculin pour le duel et kadhalika pour le pluriel. Donc c'est une kalima qui est employée pour le genre et le nombre. Il n'y a pas de problème. Adalla, c'est utilisé pour le genre et le nombre. Qala wa yajuz itlaquha lil mahani. Mathalan al-haqqu dallat al-mu'min. À la base, al-dalla, c'est un mot qui est utilisé pour les hayawan, pour les bêtes, pour les montures. Lakin on peut l'utiliser pour les choses qui sont abstraites. Parmi cela, il a évoqué comme exemple, les Arabes disent al-haqq dallat al-mu'minin. Al-haqq dallat al-mu'min. La vérité est la chose dont recherche yani al-mu'min, comme le berger lorsque il a la recherche de sa monture en abessan dalla, fakadhalika al-mu'min. Il est toujours à la recherche de sa monture qui est al-haqq, qui est la vérité. Pour ça qu'ils disent yani comme moralité al-haqq dallat al-mu'min. Et c'est comme une monture qui ne cesse de chercher. Al-haq, on se doit de le chercher. Ça c'est là, l'étymologie de dalla عند العرب. À la base, c'est utilisé pour le hayawan, lakin il n'y a pas de mal à l'utiliser pour les choses qui sont abstraites. Amma hukm insha' dalla, le fait de faire une déclaration de perte, de demander où est sa monture, à voix haute, en pleine mosquée, quel est le jugement de cela? Les ulama, ils ont divergé sur ce sujet-là. Certains, ils ont dit que ceci est makruh, que ceci est détestable. Et d'autres, ils ont dit que ceci est haram, que celui qui fait cela, qui demande à voix haute où est ma monture en pleine mosquée, il a commis un péché. Donc il se doit de se repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala et de demander énormément le pardon et de ne plus recommencer. Ma'ruf yani, shurut at-tawba. Wa rajih fil mas'ala, la parole prépondérante dans ce sujet-là, c'est que c'est haram, c'est interdit de faire cela, de venir et de demander à voix haute et de jeûner, de perturber les fidèles dans la mosquée où est ma monture. Le dalil qui prouve cela, hadith Hayara, ou plutôt Haydara, radiallahu anhu, apporté par l'imam Abu Daoud, numéro 1079, le hadith est authentique. Qala, ذلك الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنشد الضلة في المسجد. Le prophète, عليه الصلاة والسلام, a interdit que on fasse une déclaration de perte, c'est-à-dire concernant les animaux, en pleine mosquée. Donc ce hadith-là, il est wadih. Il est utilisé les termes interdits. Malgré que le mot interdit et la connotation interdite, dans l'islam, tu peux l'utiliser pour ce qui est détestable, qui est déplaisant. Lakin, si on n'a pas de preuve qui nous permet de dire que ce qui est voulu par interdit, c'est que c'est détestable, dans ce cas-là, on reste sur la base, qui est que lorsque le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il interdit une chose, il faut s'en écarter. Comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Et ce que le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, vous a légiféré, vous a donné, vous a exhorté à faire, faites-le, ou prenez-le. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ. Et ce qui vous a interdit, فَجْتَنِبُوا, écartez-vous-en. وَالْحَدِيثُ كَذَلِكَ الْآخَرُ إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Lorsque je vous ordonne une chose, faites de votre possible. وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ. Et lorsque je vous interdis une chose, écartez-vous-en. Donc ça c'est la base. On n'a rien qui prouve que c'est une karaha, que c'est détestable. Donc on reste sur la base que c'est interdit et que celui qui fait cela, il a commis un péché. الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى dans le شرح de Sahih Muslim, deuxième volume, la page 392, il appuie l'argument de ceux qui disent que ceci est interdit, en disant وَوَجْهُ الدَّلَالَ et que c'est haram, parmi les arguments qui prouvent que ceci est haram, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالدُّعَى عَلَيْهِ. Et même il a fait, le prophète عليه السلام, il a ordonné qu'on fasse dua sur les personnes qui demandent où est ma monture en pleine mosquée. Bal il a fait au Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit la wajadta lorsqu'il a dit man da'a al-jamal al-ahmar. Faqala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam la wajadta. Tu ne la trouveras pas. Car la face que tu ne la retrouveras pas. Fa il a interdit, il a exhorté à dire cela aux personnes qui se présentent dans les mosquées et qui font une déclaration à voix haute. Et aussi il l'a fait. Donc on a sa sunna qui fait fi'liya, il l'a fait lui-même. Et sa sunna qui est qawliya, car il a exhorté les mu'mines à le faire. قال شيخ العثيمين ولا يمكن أن يأمر بالدعاء على شخص إلا وقد فعل محرما. Et c'est impossible que le prophète عليه الصلاة والسلام ordonne qu'on fasse une dua sur une personne, excepté que cette personne-là ou ce dernier-là a commis une chose qui était interdite. قال إذ إن فعل المكروه لا يأثم. Parce que celui qui fait une chose qui est détestable, qui n'est pas jugé comme un haram interdit, il n'a pas commis un péché. قال وإذا لم يأثم لم يستحق الدعاء عليه. Et si jamais il n'a pas commis de péché, dans ce cas-là, il ne mérite pas qu'on fasse une dua sur lui. Et ça, c'est un argument qui est qawi, qui appuie l'argument de ceux qui disent que celui qui vient en pleine mosquée qui dit à voix haute où est ceci, où est cela, eh ben, cette personne-là a commis un péché. Il a dérangé, il a perturbé les mu'mines. Allah Azza wa Jalla يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. Ça, c'est un argument à rajouter. Allah il dit ceux qui nuisent aux mu'mines, qui les perturbent sans raison valable, ils ont certes commis un péché wadih, évident. Ça aussi, ça appuie l'argument de ceux qui ont dit que c'est haram. Hadha huwa. C'est le qawl sahih, c'est la parole la plus juste dans cette mas'ala. Al-Sheikh al-Fahmi, rahimahullah ta'ala, kadhalika, toujours dans les mêmes, la même référence, il nous évoque à travers cela une faïda. Il dit, وَنَسْتَفِيدُ مِنْ ذَلِكَ et de cette qissala, de ce hadith, أَنَهُ يَنْبَغِ لِلْإِنسَانِ إِذَا ذَكَرَ شَيْئًا يُسْتَنْكَرُ مِنْهُ أَوْ يَكُونَ سَبَبًا لِلنُّفْرَ أَنْ يُبَيِّنَ الْعِلَّةِ. Qu'il incombe à une personne qui, lorsque il évoque une chose qui peut paraître déplaisante à certaines des personnes, ou bien qui peut être une cause peut-être que ça va être une cause de faire fuir les autres, et ben tu te dois de évoquer la illa, la cause pour laquelle tu as fait cela, parce que il prend cela à travers le hadith, parce qu'il lui a fait une dua comme cette personne-là. Je pense qu'il était jahil. Il est venu, il a demandé où est ma jamel, où est mon chameau. Et on lui a dit la wajatta. Donc, c'est une chose qui peut déplaire, se dire mais subhanallah, qu'ai-je fait, qu'ai-je commis? J'ai juste demandé, est-ce que quelqu'un a vu ma monture? Fait là-bas il y a le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que ceci n'est pas convenable. Ce qu'on te reproche, c'est pas d'avoir demandé où est ta monture. Le problème, c'est que tu l'as fait dans un lieu qui n'est pas convenable. Tu peux pas dire cela dans un tel lieu. Ou plutôt, tu l'as dit dans un lieu dont il ne convient pas de le dire. Enfin, là, il lui a baillé la illa, et ça, c'est important. Si jamais on a la raison pour laquelle la chose est interdite, ça aide pour la personne afin de se soumettre, afin d'accepter aussi la nasiha et la vérité. Mais si jamais il lui aurait sorti comme cela, il y cache, la raddallahu alayki, sans expliquer, peut-être que cette personne-là, il aurait fui de l'islam, il aurait dit, mais quelle est cette religion-là? Cette région-là, elle appelle à la rahma, ou bien j'ai juste demandé où est ma monture. Laquelle la bayyan, pourquoi? Enfin, il nous dit, rahimahullah ta'ala, c'est important. Lorsqu'on connaît les raisons, les hikam, les sagesses, à une chose, terme relatif, à un jugement, un précepte de l'islam, c'est important de comment s'appelle, de l'évoquer. كذلك ها هنا parmi les jugements qui sont relatifs à ce hadith-là, que ce genre de jugement, كذلك, il concerne toutes les paroles et tous les propos qui vont être dits dans la mosquée à voix haute. Tout cela, كذلك, c'est interdit. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم وهشات الأسواق. Et le hadith est rapporté par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala. Iyakum wahayshat al-aswaq. 432, le hadith. Et préservez-vous, abstenez-vous, de faire du bruit dans les mosquées, comme c'est le cas dans les marchés. Hayshat, c'est-à-dire, ikhtalat al-aswat. Que les voix s'élèvent, comme c'est le cas dans les marchés. Car là, tu es en train de faire de l'endroit, pas le fait que tu élèves la voix, comme cela, tu es en train de rendre les lieux qui sont les plus aimés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala semblables aux lieux qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste, qui sont les marchés. Comme a dit le hadith, Ahabbu al-biqa' ila Allah azza wa jalla, les endroits les plus aimés auprès d'Allah, masajiduha, ce sont les mosquées. Wa abghadu al-biqa' ila Allah, et les endroits les plus détestés auprès d'Allah, aswaquha, ce sont les marchés. Et là, il nous a dit, iyyakum, abstenez-vous d'élever la voix dans les mosquées, comme on le fait dans les marchés. وَيْشَاتَ الْأَسْوَاقِ. Enfin, ça aussi, كذلك, ce hadith-là, il concerne aussi tous les propos et toutes les paroles qui sont dites comme ça à voix haute dans la mosquée. فَهَذَا لَا يَدُوزُ وَلَا يَنْبَغِي. بَلْ قَالَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, dans des causes qui sont nobles, comme le Coran. قَالَ لَا يَجْهَرْ بَعْدُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقُرْآنِ. N'élevez pas les uns sur les autres la voix par le Coran. Je lis et toi tu es à côté de moi, tu lis. Donc je m'entends pas, donc j'élève la voix. Enfin, je perturbe l'autre et lui il n'entend pas, il élève la voix. Enfin, yani hada bil Coran, kalam Allah, ahab al kalam. Par la parole qui est la plus aimée auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Enfin, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit ce genre de procédé. J'élève la voix et toi tu élèves la voix et ainsi de suite. Faqala la yajhar ba'dukum ala ba'din fil Coran. N'élevez pas mutuellement vos voix par le Coran. قَالَ كُلُّكُمْ يُنَاجِيَ رَبَّهُ. Chacun doit lire le Coran avec un peu de discrétion. Ça c'est le Coran. Donc que dire des paroles qui sont en dehors du Coran? هذا كذلك, c'est à mettre dans les arguments concernant le fait de ne pas élever la voix dans les mosquées, dans ces lieux qui sont saints. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى toujours dans les فوائد du شرح du حديث qu'il a évoqué, لا وجدت لا ردها الله عليك. قال فالظاهر أن البحث عن الولد لا يسمى إنشادا. Il évoque رحمه الله تعالى, est-ce que la personne qui vient et qui a perdu son enfant et qui vient dans la mosquée et qui demande où est mon enfant, certains ont dit ça rentre dedans. Mais si jamais c'est fait à voix haute, on parle à voix haute. Il vient, il élève sa voix à voix haute. Où est mon enfant? Fa qala rahimahullah, ou plutôt certains ont dit que ça fait partie de, ça rentre dans le hukm nishad al-dalla, parce que tu viens et tu as élevé la voix. Comme on a pu voir, le prophète il a dit évitez de faire de ces lieux saints des marchés. Fa sahih anna al-insan, si jamais on laisse Allah subhanahu wa ta'ala salam wa ta'ala afia, si quelqu'un est touché par cette musiba là, il se doit de le faire à voix basse. Il va voir quelqu'un, en particulier, qui connaît, et non pas à voix haute, il vient et qui a vu mon enfant. A sahih anahu yadkhulu fi, lakin si jamais c'est fait à voix basse, fa hadha la yadkhulu fi. Kama qala huwa rahimahullah. Qala, la siyama in kana bahthan laysa bi sawtin murtafi'. Si jamais tu demandes au sujet de l'enfant qui est perdu d'une voix qui n'est pas à voix basse. Pourquoi? Parce qu'il dit لِأَنَّ صَحَبَ الْجَمَلَ الَّذِي أَدْخَلَ رَأْسَهُ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ مَنْ دَعَ إِلَى الْجَمَلَ الْأَحْمَرِ. Il a dit cela à voix haute. Qui a trouvé? Qui a vu mon chameau? قَالَ. Et il a cité un autre exemple. لَوْ سَقَطَ مِفْتَاحٌ مِنِّي فِي الصَّفْ وسألته من إلى جانبي، قلت هل وجدت مفتاحي؟ قال فهذا ليس إنشادا. Et là, c'est un exemple. Il a dit, si, مثلا, je suis dans le premier saf ou dans un saf, et que je retrouve plus mes clés, et que je dis à la personne qui est juste à côté de moi, donc sans élever ma voix, je lui demande, excuse-moi, ya akhi, est-ce que tu aurais vu, ma clé? Non, c'est miftah, ma clé. Il dit ça, c'est pas une déclaration de perte. Et ça m'a ouf, yani. En effet, l'urf, les gens ont pour coutume de pas appeler cela, inshadam. C'est pas connu de dire cela que c'est une déclaration de perte. Je te demande à toi, comme je te demande l'heure. Il est en train de lire, je dis, Afron, Yahi, est-ce que tu as l'heure? Quelle est la différence entre cette parole-là et le fait de dire, est-ce que tu as vu ma clé? Ou est-ce que tu as vu mon enfant? Ceci et cela. Et de plus, Yahi, un enfant peut venir se réfugier dans une mosquée. Au différent d'un animal. Enfin, ça, c'est pas inshad, ça rentre pas dedans. Certains ont dit, ça rentre dedans. Lakin, al-haqiqa, comme il a rahimahullah ta'ala, ça ne rentre pas dedans. Cette mas'alana, le fait de faire une déclaration de perte, c'est lorsqu'elle est faite à voix haute. Où on prend cela là, par rapport à la parole de cette personne-là qui est venue et qui l'a dit à voix haute. Ah, mais si jamais tu vois quelqu'un que tu connais bien en particulier, tu fais cela à voix basse, il y en a entre toi et lui, ça rentre pas dedans. Tarahmah, parce que ça, c'est pas une déclaration de perte, c'est pas une déclaration. Ah, mais si je viens à voix haute, non, là, j'ai fait une déclaration. قال رحمه الله تعالى قال ويقول لمن يبيع لا أربح الله تجارتك. Si tu vois quelqu'un en train de vendre dans la mosquée, dis à cette personne-là qu'Allah Azza wa Jal ne mette pas de bénéfice dans ton commerce. Le hadith, il est rapporté par l'imam At-Tirmidhi et autres, authentifié par Sheikh Al-Albani et Sheikh Muqbil rahmatullahi alayhima, lakin l'imam Adara Qutni, alayhi rahmatullah, qui fait partie des grands imams du hadith, parmi les imams du 3e siècle, si je ne me trompe pas, un imam qui est connu, ma'aruf, imam azim jiddan, il a évoqué que ce hadith-là, il est mursal. Que ce hadith-là, c'est-à-dire que le tabi'i a dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit. Et quel est le jugement du tabi'i qui dit, le prophète a dit? Enfin, c'est un hadith qui n'est pas acceptable. Pourquoi? Parce que le tabi'i, comment il a pu entendre ces propos-là du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, on ne peut pas accepter. Certains ont dit, ce hadith-là n'est pas authentique. La arbahallahu tijaratak. De dire cette dua-là à une personne qui vend dans la mosquée. Fa, il y a un khilaf bain al-ulama, lakin, wallahu alam. Lorsque les mutaqaddimin, les anciens, viennent et te montrent le défaut dans un hadith, leurs paroles prépondèrent aux autres. Comme l'a évoqué l'imam, Muqbil rahimahullah ta'ala, il a un kitab qui s'appelle Al-Hadith Al-Mu'allaq, parce que là, une personne peut se dire, mais Cheikh Muqbil l'a authentifié. Il faut savoir que Cheikh Muqbil rahimahullah ta'ala, dans son propre livre qui s'appelle Sahih Al-Musnad, il a retiré des hadiths. Pourquoi? Parce qu'il a dit, je me suis aperçu après qu'il y avait un défaut dans certains des hadiths. Et Cheikh Muqbil rahimahullah, c'est ma'ruf. Il a comme procédé de ne pas prendre en considération un hadith à partir du moment qu'un grand imam parmi les anciens, et surtout des siècles de lumière, il évoque qu'il y a un problème et un défaut dans ce hadith. Pourquoi? Parce qu'il dit, nous sommes des chercheurs, et eux, ce sont des imams. On ne peut comparer un imam et un chercheur. Et c'est une parole qui est haq. C'est une parole qui est haq. فَالَذِي يَظْهَرْ كَمَا قَالَ كَذَلِكَ الشَّيْخ ابن حزام حَفِظَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ هَذَا الْحَدِيثِ لَا يَثْبُتْ. هَذَا الْحَدِيثِ لَا يَثْبُتْ. Lorsque tu vois quelqu'un faire ceci dans la mosquée, de lui dire, لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ, de faire une dua sur lui. هذا ليس بثابت. هذا هو صحيح. الآن لكن est-ce que cette personne-là a droit de le faire, de vendre dans la mosquée? فهذا لا يجوز له. هذا حرام عليه. Il a, c'est interdit de vendre dans ces mosquées-là. دليل ذلك, le précédent qu'on a pu évoquer. إنما بنيت المساجد للذكر والصلاة وقراءة القرآن. Ces mosquées ont été édifiées pour le rappel, la salat et la lecture du Coran. Enfin, tout ce que tu es en train de faire ne rentre pas dans l'une des trois raisons pour lesquelles les mosquées sont édifiées. Donc là, il y a un problème. La kina'an, est-ce que c'est makro, c'est détestable, ou bien c'est interdit, c'est haram? Si tu fais ça, t'es asim, tu as un péché. Dalil al-dhalika, le hadith qui est rapporté par l'imam Abu Dawud, n'aham, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, a qal, ou naha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, anil bay' wa shira fil masjid. le prophète alayhi salatu wasalam a interdit la vente et l'achat dans les mosquées. Donc ceci est interdit. Le hadith, il est authentique. Il est authentifié par Cheikh, notre Cheikh Ibn Hizam, hafidhahullah ta'ala. Hadha wa sahih, cette personne-là qui fait ce genre de choses-là, il a commis un péché. Lakin, est-ce qu'on lui dit, la arbahallahu tijaratak, ala hasab, comme toi tu le sens. Si tu vois que la parole de ces, de nos imams à notre époque, prépondère sur la parole des imams, dans ce cas-là, tu es un imam qui a authentifié ce hadith. Lakin, si tu vois que la parole de l'imam Daraqutni, elle prépondère sur la parole de ces chercheurs-là, comme me dit Cheikh Mokba Rahimahullah, dans ce cas-là, abstiens-toi de dire, la arbahallah, tijaratak lakin, tasdurhu, tu le réprimandes. Tu dis, ces mosquées-là n'ont pas été édifiées pour cela. Cheikh Al-Azim, Rahimahullah, il dit, ça rentre dans l'interdit. Le simple fait que tu viens et tu présentes une marchandise à un autre, à un ami ou un client. Mesdames, si quelqu'un vient et te dit, comme l'a dit, لو أن شخص قال لي رجل تاجر une personne dit à un commerçant dans la mosquée يا فلان هل عندك سيارة ou bien autre chose est-ce que tu as dans ta possession une voiture فقال له نعم j'ai une voiture de tel et tel modèle قال أمضي علي سيارة منها et il lui dit bah c'est bon mets-moi de côté une de ces voitures là il nous dit est-ce que ceci est autorisé ou pas قال لا هذا لا يجوز يعني il est en train de nous dire faut pas comprendre par l'interdiction de vendre dans la mosquée et d'acheter, qu'il y en ait que ce soit des choses qui soient concrètes. Le simple fait que vous vous mettiez d'accord sur une transaction, khalas, c'est considéré comme de la vente. Même s'il n'y a pas de marchandises et même s'il n'y a pas d'argent. Ce qui est voulu par la vente, c'est-à-dire un contrat de vente, un accord entre toi et le vendeur, ou bien entre toi et l'acheteur. Enfin, kullu hadha la yajuz. Kullu hadha la yajuz. Kazalika, ils ont évoqué le ulama. On sait que ceci est haram, al-an. Est-ce que celui qui le fait muta'amidan, ou qui le fait nasiyan, il le fait par oubli, est-ce que l'acte de vente, il est sahih ou pas? Qala al-ulama, laisse le sahih. Qala al-ulama, l'aqd, il n'est pas sahih. C'est-à-dire que cette personne-là doit recommencer l'acte de vente. Car il n'est pas sahih. Parce que le prophète, il a interdit une chose dans un lieu précis. Ça nous montre que cette chose-là, elle est facile. Si il le fait, l'acte, il n'est pas pris en considération. Il faut qu'il recommence cette transaction-là à l'extérieur de la mosquée. Kazalika, ils ont évoqué, min al-masail, ardu al-bay. Là, on a vu la vente. Al-an, si jamais il propose seulement, il va voir un client, lui dit, bah, j'ai des parfums, j'ai ceci et j'ai cela. Sans que, la personne lui dit, ok, c'est bon, mets-moi ça de côté, ou bien j'achète. Quel est le jugement de cela? Ça, c'est pas un bé'a. La kien, c'est présenter un bé'a. C'est la muqaddima. C'est la muqaddima. Et le prophète, alayhi sallallahu alayhi, lorsqu'il nous interdit une chose, il nous interdit aussi les choses qui mènent à cela. Imagine-toi, il dit oui, l'acheteur. Bah, khalas, vous rentrez dans le péché. Fasahih annahu yishtanib hada. Il doit se préserver et s'abstenir de dire ces choses-là, dans ces lieux-là. Parce que ça mène à l'avance. Lakin, je ne connais pas une personne qui ait dit que ceci est interdit. Lakin, ceci est makro. Les gens, lorsqu'on nous dit makro, ils disent, bah, tant que c'est pas haram, j'ai pas fait de péché, là, bah, on dirait, ils comprennent le truc à l'envers, la chose à l'envers. Non, une chose qui est makro, c'est qu'à dire, Allah l'aime pas. Al-insan al-muwahid, il doit aimer ce qu'Allah il aime et détester ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il déteste. Ça, c'est le qalb, le cœur du mu'min muwahid, celui qui a mis l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus de toute chose. Car Allah, il n'aime pas ce genre de choses-là. Donc, ne le fais pas. C'est une dharia. Imagine-toi, il dit oui. Khalas, tu te rends dans le péché. Naha anil bi'i wa shira fil masjid. C'est pas des lieux qui sont faits pour cela. Sortez dehors et faites la transaction. Shaitan yu'ajjil alaykum. C'est Shaitan qui précipite les gens. Qui font qu'ils patientent pas. Patiente, sors. Présente-lui ce que tu as à vendre. Walhamdulillah intahina. Faut faire attention. Ces mosquées-là, elles ont un droit. Allah Azza wa Jalla les a rendues sacrées. قال رحمه الله تعالى ما يقول من سمع المؤذن. Que doit dire la personne qui entend le مؤذن faire le أذن يعني. قال يقول مثل ما يقول المؤذن. Il répète ce que dit le مؤذن. إلا الحي على تين. Sauf le fait de dire حي على الصلاة, حي على الفلاح. Ça c'est ce qui s'appelle الحي على تين. قال فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. Lorsque le muadhin dit حي على الصلاة, il répète pas حي على الصلاة. Il dit لا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك lorsqu'il dit حي على الفلاح, il dit pas حي على الفلاح, لكن لا حول ولا قوة إلا بالله. Le dalil qui nous montre cela, le hadith qui est rapporté par l'imam, ou plutôt muttafaqan alayh, Bukhari wa Muslim, selon Abi Sa'id al-Khudri رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء تقول مثل ما يقول المؤذن. Lorsque vous entendez le nida, c'est-à-dire l'appel à la prière, dites ou plutôt répétez ce que dit al-Mu'adhin. Donc là c'est un, il nous dit al-Sheikh قال هذا عام. Donc ça c'est général, ça englobe tout ce qu'il dit al-Mu'adhin. Et on peut comprendre à travers ce hadith là que lorsqu'il dit hayya ala salat, tu dis kadhalika hayya ala salat. قال ولكن مخصوص, لكن c'est spécifié, ce hadith là est spécifié par un autre hadith, hadith Omar ibn Khattab, dans lequel il est dit lorsqu'il dit al-hayya ala tain, il dit la hawla wa la quwwata illa billah. ذلك الدليل, il est rapporté par Muslim numéro 385, dans lequel il dit ثم إذا قال حي على الصلاة فليقول لا حول ولا قوة إلا بالله فإذا قال حي على الفلاح فليقول لا حول ولا قوة إلا بالله. Lorsque le muadhin dit حي على الصلاة et كذلك حي على الفلاح, que celui qui l'a entendu dise لا حول ولا قوة إلا بالله. Le hadith rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala. ما هو الجزاء ذلك, celui qui répète ce que dit al-muadhin. ما جزاء ذلك, quelle est la rétribution? قال فإن قال ذلك من قلبه دخل الجنة. Si il dit cela par yani le cœur, parce que là il le dit par la langue, et ça nous montre que le cœur aussi il a une parole, et la parole du cœur c'est l'intention, la parole du cœur c'est la mahabba, on va le voir à travers la parole de l'imam. نعم الإمام العثيم رحمه الله قال فإيدي سيدي سلا par le cœur, الله عز وجل le fera rentrer au Jannah. Un rétribut qui est عظيم جدا, qui ne prend que peut-être une minute, ça dépend des muadhinin, et en plus تتلذذ فيه, tu ressens يعني un délice, tu savoures ce adhan là, surtout si jamais il est fait avec une belle voix et que tu médites sur les paroles qui sont dites, ces énormes paroles, et dedans la ilaha illallah, la pu la kalima ahabu ilallah subhanahu wa ta'ala, la kalima par laquelle on a été créé, par laquelle Allah a créé les cieux et la terre, par laquelle nous serons jugés yawm al-qiyam, par laquelle on rentre au jannah, par laquelle celui qui ne l'applique pas rentrera en enfer. Ça c'est une kalima qui est azima jiddan. Fa dakhala al-jannah. Dakhala al-jannah. C'est une rétribution qui est énorme. Qui est énorme. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى قوله من قلبه يعني أنه تواطأ على ذلك قلبه ولسانه. Lorsqu'il a dit, s'il dit cela par son cœur, il aura tel et tel rétribué qui est le Jannah. Il dit, ce sera pour celui dont le cœur et la langue, il y en a convergent. قال لأن الإنسان قد يقول مثل هذا بلسانه فقط. Parce qu'une personne peut les répéter ce que dit le muadhin, lakin par la langue, فقط. قال وقلبه غافل, et son cœur il est étourdi, il pense à autre chose, il répète ces kalimats là lakin sans yani méditer, sans que son cœur aussi les répète. قال فلا ينال هذا الامر, il n'aura pas le rétribué de la rétribution de cet acte là فلا بد من قلبه. Pourquoi? Parce que le prophète il a dit, c'est pas la parole de l'Uthaymin, il fait qu'expliquer. Le prophète il a dit min qalbihi. Est-ce que ça veut dire qu'il ne le dit pas par la langue? Il le dit par la langue. Lakin, ton cœur, il faut qu'il soit présent. Yaquluha bi'ilm. Il le dit avec science. Il sait, yani, quel est le sens de ces propos-là. Ça va l'aider à le dire. Min qalbihi. Amma, celui qui répète, wa fil haqiqa, il s'est contenté de son ignorance et de rester dans l'ignorance sans apprendre et savoir que veut dire la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, hayya ala salat, quelle est le vertu de la prière, ceci et cela. Il ne connaît rien du tout. Ça fait, comment il va être min qalbihi, comment il pourra le dire de son cœur? C'est comme quelqu'un qui parle chinois, on lui dit de répéter des mots chinois, il comprend pas ce qu'il est en train de dire. Qu'est-ce qu'il va, il va peut-être délaisser, même des fois il va peut-être vouloir parler ou discuter au téléphone, il va pas avoir rien le fable, il sait pas qu'est-ce qu'il est en train de dire. Enfin, la personne qui le dit sans ilm, celui-là, c'est plus à même qu'il ne l'a pas, cette récompense-là. Biyakin, il y a une certitude. La shak wa la rayba fi. Kalimat al-tawhid, la bouda min yakin. Fala takum fi mariyatim mimma ya'budu ha'oula. Ils ne sont pas dans le doute concernant les choses qu'ils adorent dans Allah subhanahu wa ta'ala. Mais sidq, il le dit avec sincérité. T'as une véracité, ikhlas, mahabba, amour pour cette kalimat-là, la bouda. Et amour de ce que appelle cette kalimat-là. Par amour pour Allah azza wa jal, rida'an, kaboulan, il accepte. C'est par Allah, il le dit de plein gré, avec de l'amour. Yaquluha wa huwa ya'maluha. Il le dit et il œuvre. Amma celui qui le dit. Lakin ba'da dhalika yiva. Yazbih li ghayri Allah, il égorge pour autre qu'Allah. Ou yas'al ghayra Allah. Ou yatawakkal ala ghayri Allah. Fahada, yani, ash yanfa'u. Comment cette par Allah peut-elle lui être bénéfique? Falabudda annahu yanqad li tilka al-ma'ani, qui soit soumis à ses, aux propos qu'il est en train de prononcer. Sinon, le ajr, il l'aura pas, abedan. Min qalbihi, la bouddha, que la personne, lorsqu'il le dit, il soit concentré. Afin d'avoir ce ajr, dakhal al-jannah, nahnu, qu'est-ce qu'on recherche dans cette vie d'ici-bas? On recherche les œuvres par lesquelles Allah azawajal va nous donner son agrément. Et par son agrément, on va avoir al-jannah. Parmi ces causes-là, al-adhan. Et ça, c'est, dans ce hadith-là, on a une exhortation surtout, pour ceux qui sont dans des balades dans lesquelles l'adhan il est interdit. Ça fait les causes pour venir à la mosquée pour écouter l'adhan. Si on te dit, va à tel endroit pour tel et tel, somme tu vas y aller. Ta'awna, c'est le jannah. C'est l'atullah, la marchandise d'Allah qui n'a pas d'équivalent. Qui n'a pas d'équivalent. L'insan yas'a. Je ne suis pas dans l'imam, ils disent la radio et tout ça. Le cheikh il dit ça. Ah, mais y'a que. العسيم رحمه الله تعالى لا بد que tu entends le muadhin بلساني fait tu te présentes à la mosquée avant l'appel à la prière si tu peux. Pourquoi? Pour avoir le jannah, le paradis. Enfin, ça suffit comme exhortation à faire les causes pour venir à la mosquée afin d'entendre le zikr. Et ça nous montre que voilà, ces pays là tout est fait pour que le jannah ne soit pas facilité. Fait la hijra pour ceux qui en yatayassar lahu. Et on sait qu'il y en a qui font des efforts pour cela, il y en a qui ont des familles. C'est dur, c'est difficile maintenant avec les visas qu'il faut demander à droite à gauche. Certains pays ne facilitent pas. Fanasallah azawajal yassar lana wa lakum. Lakin, c'est pas pour autant qu'il faut tourner les pouces. Tad'u Allah subhanahu wa ta'ala qui te facilite. Parce que ces pays-là sont faits, yani tout est mis en place pour que on n'ait pas les causes qui nous rapprochent du jannah. Et parmi cela, juste ce détail-là, qu'il n'y a pas l'adhan, c'est une privation qui est énorme. Parce que la plupart, ils oublient, puis des fois, il vient à l'iqama. S'il vient à l'iqama, il y a foutuhu l'ajr. Il ne répète pas. Il ne répète pas. Ça, c'est une cause qui est muyassar jiddan. Une cause qui est simple à faire. Et qui est ladhid. Il y a un état de ladhid. Tu prends plaisir à le répéter. Fa as-sibaq, as-sibaq. Il faut qu'on s'empresse, on accourt à ces lieux, à la mosquée, lakin, avec, inshallah, dès que le déconfinement sera fait pour tous, inshallah, qu'Allah Azza wa Jal facilite pour tous le déconfinement, de prendre ce hadith-là et de l'appliquer pour les personnes qui sont privées d'entendre l'adhan, qui se rendent dans les lieux, dans les mosquées, afin de l'entendre. Nas Allah Azza wa Jal, wa fiqna wa yakum bima sami'na. On demande à Allah Azza wa Jal qui nous donne la réussite afin d'appliquer ce qu'on vient d'entendre. Donc on reprendra, inshallah, d'ici. Ce hadith-là, il faut le terminer, il y a beaucoup de choses à dire. Nas Allah Azza wa Jal, yanfa'ana wa yakum bima sami'na.